passer sans toi. Mais c'est ainsi, à l'ouest le soir, sur le rivage, le rivage, le rivage, le rivage, le rivage. Mystique est l'ennui qui ne se lasse pas de mettre ainsi le cap sur moi. Comme un pirate, un pirate, un pirate, un pirate, un pirate, un pirate. Même quand je t'oublie, je pense à toi. Quand tu es ici et que tu m'enlaces, tu me manques déjà, manques déjà, manques déjà, manques déjà, manques déjà. Alors je passe la nuit à marcher seul dans cette ville qui ne m'intéresse pas. Comme naufragé, naufragé, naufragé, naufragé, naufragé, naufragé. La mineur, la mineur.